Tente ça au réveil, à l'ancienne, coup de fils, fils de pute. Ouais, déjà dead. Mon premier rap sous le préau avec Sbaltrain. Au beatbox, des trucs qui volaient pas au normal, je connaissais peu de choses. 33 exports sous le Porsche, des trous dans chaque poche. Rêve de fortune, gros courant d'air sous la capuche. J'avoue que cette meuf me perturbe, je la traite quand même de sale pute. Pendant que les grands nous montent le shit et 2-3 trucs en plus, nous mettre dans le trafic inconsciemment juste par influence. Scar la bande sable, grosse caisse, on voulait en être. À ce rythme là j'ai vite pris du grade, tout comme mes textes prenaient de la consistance. Un peu de vécu, quelques histoires et leurs conséquences. Un PC 2000 XL, SM58 samples et séquences. Garde la synchro et les pieds sur terre, qu'à la faucheuse ramasse un dénote beaucoup trop tôt. Repose en paix frérot, si tu nous vois de là-haut, fais-nous un signe, le présent cesse, sa mère j'en perds mes mots. Ne perds pas nord, guidé par l'odeur du genre dans le collimateur de ces putains de gendarmes. Les yeux rivés sur l'asphalte, carbure au Jack Dan, transforme les petites coupures en passe kayak. Les anciens qui savent de quoi je parle, y'a que les anciens qui savent, c'est déjà dead frangin, coute, merde, fils. On m'a dit, ton son ne passe pas sur les ondes. Je voulais pas faire de la musique mais du rap, On m'a dit on va revenir avec du monde. T'inquiète je bouge pas de là. On m'a dit tu ne respectes pas les codes. Je voulais juste faire du cash. On m'a dit lâche-toi fais comme les autres. Non vas-y dégage de là. Comme les autres, j'ai lâché mes toutes premières rimes foulaires, qui pensaient 15 ans plus tard que je serais encore sur le terre-terre. Allez tire-toi de là, même si tu ne fais pas le poids. Moi je rappe pour les ultras, les boxeurs, les judokas en cas qui l'eût cru pénible en cause de quoi qui aurait parié dessus. On n'a pas inventé la rue, nous on te raconte juste notre vécu. Pas le trou du cul qui vend une barrette et se prend pour le boss. Au mieux il prendra une droite et au pire un coup de crosse. On te prend, on te rosse, on n'en est pas à notre première crasse. Amène un caveau Rick Ross, on leur dira de niquer leur race. On ne respecte pas les codes, on n'a jamais été à la mode. Juste on enregistre un titre et on met tout le monde à l'amende. On emmerde le rap, le hip-hop, que ces bâtards aillent se pendre. On a pas mal d'histoires glauques et encore quelques disques à vendre. Dédié à Mora Sidi, numéro 3, Tusaka Herbias. Bref à tous les anciens qui peuvent encore se regarder dans une glace. On m'a dit, ton son ne passe pas sur les ondes. Je voulais pas faire de la musique mais du rap, On m'a dit on va revenir avec du monde. T'inquiète je bouge pas de là. On m'a dit tu ne respectes pas les codes. Je voulais juste faire du cash. On m'a dit lâche-toi fais comme les autres. Non vas-y dégage de là. On m'a dit ton son ne passe pas sur les ondes. Je voulais pas faire de la musique mais du rap, On m'a dit on va revenir avec du monde. T'inquiète je bouge pas de là. On m'a dit tu ne respectes pas les codes. Je voulais juste faire du cash. On m'a dit lâche-toi fais comme les autres.